Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes. Bon, encore une fois, je l'ai lu il y a un certain temps, donc j'ai un peu oublié. Alors, ce que je retiens, c'est que c'est un petit livre, hein, très facile à lire, 150 pages, assez loufoque, en les tubes, Métaphysique des tubes. J'avais entendu dire que Métaphysique des tubes, c'était les tubes, c'était les filles, comme ça. Pas du tout. C'est les bébés. Ils bouffent et ils recrachent. Elle est assez dans le pipi qui caca bouffe en fait. C'est le fait, oui, ils absorbent, puis ils rejettent. Bon. Alors métaphysique, parce que effectivement, elle donne une pensée là où il y a de la non-pensée, en fait. Elle raconte sa vie, en fait, où elle s'est mise à parler très tard, à interagir très tard. C'était un tard. Alors, c'est ce qu'elle dit, hein, après, en réalité. Mais elle imagine cet enfant, qui est peut-être... On imagine elle, hein, parce qu'il y a un jeu, et puis on sait qu'elle a été au Japon, donc, a priori, ce serait elle. Après, bien sûr, c'est romancé. Mais enfin, ce serait intéressant de savoir le vrai du faux, là. Donc, un enfant qui est complètement à l'arrêt par rapport au monde, sans interaction. Donc, bien sûr, pas de mots, mais pas pire que ça, quoi. Pas de tentative d'interaction avec les autres. Jusqu'à l'âge de, je ne sais plus, 2-3 ans, à peu près. Non, peut-être pas autant, quand même, 2 ans, ouais. Enfin, qui inquiétait ses parents. Et il y a sa grand-mère belge, donc, a priori, je crois que c'est la mère du père, donc la grand-mère paternelle, qui vient leur rendre visite au Japon, parce que ça se passe au Japon, où son père est au consulat. C'est un diplomate qui travaille au consulat. Et elle se retrouve avec sa grand-mère, où la grand-mère se retrouve avec sa petite-fille, et puis elle avait amené du chocolat belge. Et donc elle lui donne un morceau, alors contre, je sais plus, contre l'avis de la mère, je crois, bon... Et ça marche. Ou en tout cas en cachette. Voilà, je sais plus si c'était contre la mère ou en cachette. Mais en tout cas, ça marche parce que tout à coup, la petite, la saveur du chocolat réveille son âme, en fait. On pourrait dire ça comme ça. Le plaisir qu'elle ressent. Surtout que quand Amélie Nothomb semble être en défiance par rapport aux autres. Et là, d'un coup, pouf, elle joue le jeu. Enfin, elle est attirée dans le monde, elle est... Voilà, donc, bon. C'est très amusant parce qu'elle décrit son éveil de l'intérieur. Alors, en même temps, quand elle est encore à ce stade où elle n'a pas d'interaction avec les autres, on a l'impression qu'elle est... Elle se décrit plutôt de l'extérieur, avec des yeux qu'elle aura plus tard, mais en même temps à moitié de l'intérieur. C'est assez étrange, en fait. Elle se décrit pas sans penser, mais bon. Ça n'est qu'une partie du livre, le début, qui est quand même du coup très très surprenant. Un peu intriguant. Puis après ça change. Je pensais que ça... Je craignais peut-être un peu, enfin je pensais que ça allait rester sur ce... Mais non. Ensuite c'est sa petite enfance. Avec ses petits délires, frère et sœur, avec qui elle s'entend bien ou pas bien, sa grande sœur qu'elle adore, son frère avec qui elle se dispute... sa mère a une bonne relation globalement, mais là on parle pas beaucoup. Hein. Son père, c'est plutôt la fille de son père quand même. Une petite fascination par rapport à son père. Alors, on apprend que son père faisait du no, le théâtre. Le théâtre, là, le chant japonais. Donc voilà, parce qu'il s'y était mis. Ça, c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus intéressé quand il décrit parce qu'il voulait s'y mettre, je sais plus pourquoi. Faire du chant japonais. Et puis, le maître lui donne rendez-vous à 5h du matin, et un peu pour le dégoûter, et puis bizarrement, il vient. Donc, amusant. Bon, voilà, elle en parle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, un événement, elle a failli se noyer dans une plaque d'égout suite à des pluies torrentielles. Il y a des événements comme ça. Mais je me rends compte que j'ai pas retenu grand chose du reste, en fait. Elle grandit. Ah oui, si, il y a une relation assez intéressante aussi, mais finalement. Il y a une gouvernante, oui. Enfin, oui, c'est ça, on pourrait dire une gouvernante. Une femme qui s'occupait d'elle au Japon. Une femme modeste, hein, qui s'occupait d'elle, bébé. Et ça se passe. Et c'était vraiment elle, la femme qu'elle aimait. Là, on voit bien que. Alors, où est-ce qu'elle en parle? Parce que. Je parlais de cette femme qu'elle a perdue parce que quand ils ont quitté le Japon. Et c'est une femme qui l'a marquée. Donc, c'est un peu sa deuxième maman, voire sa première maman. Parce qu'on a l'impression qu'elle l'aime plus que sa mère. Alors après, c'est aussi parce que c'est le mythe de l'enfance perdue. Hein. Sa mère, elle aime beaucoup, je pense. Enfin, ses parents, mais cette femme-là, autant, quoi. Et puis, bon, au quotidien, on sent quand même qu'elle s'occupait beaucoup d'elle. Donc, ça fait un lien terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette femme est adorable parce que, oui, alors ça, c'est l'autre chose. Elle la prend pour un enfant roi. Un enfant roi qui... Alors c'est la grosse différence. Alors au Japon, les enfants sont des espèces de dieux jusqu'à un âge quand ils sont jeunes enfants en fait. Et ça, elle apprécie beaucoup. Et elle trouve ça normal. Alors c'est drôle, c'est que à la fois il y a ce regard décalé de l'adulte qui sait que bon, les choses anormales entre guillemets. Et par ailleurs, sa psychologie d'enfant qui trouvait ça tout à fait bien, tout à fait utile, normal. Et on a la pensée tyrannique d'Amélie Nothomb enfant. Jeune enfant, genre 4, 5, 6, peut-être 6, grand max. C'est avant l'âge de raison, je crois. Après, ils sont, après c'est fini. Les enfants, ils sont traités comme des petits adultes qui ont leurs tâches, etc. Mais jusqu'à cet âge-là, voilà, c'est les enfants rois. Et puis cette femme adorait Amélie Nothomb, donc c'est une belle relation qui est décrite là. Alors, notamment, on a Amélie Nothomb. Ah ouais, il y a des choses qui me reviennent. Amélie Nothomb qui... Donc, qui est complètement tyrannique, hein. Et très sensuelle, en fait. C'est un peu le tube, quoi, justement. C'est-à-dire qu'elle se concentre sur son corps, sur ses sensations. C'est très amusant. Et notamment, bah, sa fascination avec l'eau. Elle adorait être toujours mouillée, donc le Japon, enfin, il y a une vénération pour le Japon, hein, le Japon, la beauté du Japon, les pluies, l'étang dans lequel elle se baigne. Il y a une chose qui va pas, c'est les carpes. La fascination des Japonais pour les carpes. On lui offre des carpes, on met ça dans un petit bassin, et tout le monde croit, alors ça, c'est toujours l'horreur, bon, tout le monde croit qu'elle aime ça, et elle aime pas. Et en plus, la carpe, je crois que c'est le symbole du masculin, bon, du garçon, donc bon. Et elle trouve ça affreux et nul, et sauf que c'est elle qui s'occupe des carpes. Et du coup, ça la fait vomir de voir les carpes là se jeter sur ce qu'on leur donne à manger. Ça trouve ça affreux avec leur bouche là. C'est vrai que c'est moche. Hein. C'est vrai que c'est pas beau. On voit dans les restaurants japonais parfois. Mais bon, voilà. Donc elle aime pas. Elle n'aime pas, mais elle subit. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est un des événements, tout ça. D'ailleurs, elle fait une... Ça c'est assez étrange. Une quasi-tentative de suicide. Quasi, une sorte de malaise, mais enfin elle se laisse mourir, hein, presque, quand elle tombe dans l'eau. Et elle est repêchée. Repêchée par cette femme-là, qu'elle adore, je crois. Ou sa mère, je ne sais plus. Sauf que, entre-temps, il y a eu une autre femme... qui a été embauchée par ses parents, je ne sais plus pourquoi. Mais elle, c'était une femme de la noblesse, justement, pas humble. Et qui avait, du coup, qui était embauchée, mais qui faisait rien, quoi. Alors, la haine entre Amélie Nothomb et elle, parce que cette femme-là détestait les Occidentaux. En secret, entre guillemets, mais bon, voilà. Parce qu'elle était toujours branchée sur la guerre. La défaite du Japon, elle avait vécu ça, et donc c'était une traîtrise de bien s'occuper. Donc opposition entre la femme noble et désagréable et la gentille gouvernante qui s'occupe d'Amélie. Voilà, donc elle finit par être virée d'ailleurs, je crois. En plus, elle voit Amélie Nothomb dans l'eau et elle fait rien, elle la laisse crever. Ce qui ne dérange pas Amélie parce que bon, mais... Elle avait failli mourir enfant, plus tôt à la mer. Bon, elle décrit cette sensation-là. Mais là, dans l'eau, c'est quasiment... Il y a une sorte de volupté de sa part, c'est assez étonnant. Donc elle n'en veut pas, cette femme-là, quand elle voit qu'elle l'a vue et, à travers l'eau et qu'elle la laisse mourir. Mais finalement, elle ne meurt pas, bien sûr, donc elle est sauvée, très bien. Voilà. Bon, voilà, et après, je suite une petite coupure, là, donc je ne sais plus où j'en suis. Donc la gouvernante, l'autre, à un moment, donc finit par être virée. C'est un peu la guerre entre Amélie et cette femme. Et puis en gros, c'est le départ du Japon. Et Amélie décrit que c'est vraiment l'horreur pour elle de quitter cette femme. Mais que voilà, c'est la dure réalité. Pour elle, ça va être un déchirement. Et puis déchirement de quitter le Japon aussi. Enfin, tout qui s'effondre. C'est la fin de l'enfance, hein. Le Japon, c'était ça, la toute puissance aussi de l'enfance, parce que avec Amélie, ça ressemble vraiment à ça. La fin d'un monde. Voilà, donc c'est un livre agréable, une écriture fine, surprenante, un vocabulaire sympa, un style agréable, un style très sautant. Mais c'est pas le style donc qui me gêne un peu, c'est un peu le fond, c'est un peu vide, même s'il y a des choses intéressantes, mais j'ai besoin de matière en fait. Le délire verbal ne suffit pas pour me combler. Voilà, même si c'était super. Donc intéressant. Intéressant. Donc c'était Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes. Voilà, ah oui. Il y a une phrase sous le titre, sur le quatrième de couverture. Et là, elle décrit donc la fin du Japon. Je le lis, c'est intéressant. Parfois, je me demande si je n'ai pas rêvé, si cette aventure fondatrice n'est pas un fantasme. Je vais alors me regarder dans le miroir et je vois sur ma tempe gauche une cicatrice d'une éloquence admirable. Donc ça, c'est l'accident qu'elle avait eu. Ensuite, il ne s'est plus rien passé. Alors ça, c'est quand même une phrase terrible. Voilà, la fin de l'enfance, c'est ensuite il ne s'est plus rien passé. Avant, c'est la vraie vie, après, c'est fini. Et je trouve que ça se défend vraiment d'un certain point de vue. Les expériences mémorables, ce sont celles-là, après. Bon, en plus, elle joue à la mémoire. J'ai noté des petits passages, je vais peut-être les lire. Il y a les accidents physiques et les accidents mentaux. Les gens nient carrément l'existence de ces derniers. On n'en parle jamais comme un moteur de l'évolution. Ah, sur le trauma, au sens large. Or, il n'y a rien d'aussi fondamental dans le devenir humain que les accidents mentaux. L'accident mental est une poussière. Alors ça, c'est ce qui... Elle parle d'accident mental, c'est ce qui a provoqué la fin de de son statut de bébé non interagissant. L'accident mental est une poussière entrée par hasard dans l'huître du cerveau. Malgré la protection des coquilles closes de la boîte crânienne. Soudain, la matière tendre qui vit au cœur du crâne est perturbée, affolée, menacée par cette chose étrangère qui s'y est glissée. L'huître qui végétait en paix déclenche l'alarme et cherche une parade. Elle invente une substance merveilleuse, la nacre. C'est quand même formidable. En enrobe l'intruse particule pour se l'incorporer et crée ainsi la perle. Il peut aussi arriver que l'accident mental soit sécrété par le cerveau lui-même. Ce sont les accidents les plus mystérieux et les plus graves. Une circonvolution de matière grise, sans motif, donne naissance à une idée terrible, à une pensée effarante. Et en une seconde, c'en est fini pour toujours de la tranquillité de l'esprit. Le virus opère, impossible de l'enrayer. Alors, contraint et forcé, l'être sort de sa torpeur. Voilà, le bébé. À la question affreuse et informulable qui l'a assailli, il cherche et trouve 1000 réponses inadéquates. Il se met à marcher, à parler, à adopter 100 attitudes inutiles par lesquelles il espère s'en sortir. Non seulement il ne s'en sort pas, mais il empire son cas. Plus il parle, moins il comprend, et plus il marche, plus il fait du surplace. Très vite, il regrettera sa vie larvaire, sans oser se l'avouer. Il existe pourtant des êtres qui ne subissent pas la loi de l'évolution, qui ne rencontrent pas l'accident fatal. Ce sont les légumes cliniques. Les médecins se penchent sur leur cas. En vérité, ils sont ce que nous voudrions être. C'est la vie qui devrait être tenue pour un mauvais fonctionnement. Alors ça, c'est un passage sublime. C'est vraiment la psychanalyse par excellence. Mais je suis un peu dérangé. Je n'arrive pas vraiment à croire. J'ai l'impression qu'elle a compris la psychologie, puis ensuite elle a retraduite dans sa langue d'écrivain. C'est formidable. Mais je préférerais croire, et j'ai un peu de mal à le croire, mais je préférerais imaginer que c'est vraiment sans. Elle arrive à apprendre ça sans vraiment une connaissance psychologique, sans lecture de psychanalyse, ce qui est possible, hein. Et auquel cas, là, je trouve ça encore plus admirable. Vraiment, là, c'est grandiose. Ce passage est formidable. Formidable. Par contre, je ne crois pas, d'ailleurs, pas vraiment à l'événement qui crée ex nihilo dans l'esprit, ou à partir que de l'interne. L'interne est toujours alimenté par l'externe. Par contre, c'est vrai que ça peut être un événement externe non signifiant, non extraordinaire, complètement banal, qui peut faire des choses, c'est vrai. Mais c'est pas sans rien quand même. Bon, mais enfin, ça c'est autre chose, c'est presque un détail. Hein. Sur le fond, elle a raison, parce que même si c'est déclenché par quelque chose d'externe, c'est quand même. C'est parfois si insignifiant que. On peut considérer que c'est l'interne. Oui, une phrase que j'ai trouvée belle à part sur la vieille femme qui l'a laissé mourir. C'est une seule phrase, très courte. Une seule chose est sûre, cette femme me laissera la vie. Non, j'arrive même pas à la lire. Une seule chose est sûre, cette femme me laissera la mort sauve. C'est génial. La mort sauve. Ça, c'est du Amédinothon, c'est brillant. Et deux paragraphes, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai sélectionné ça. Il n'en reste pas moins que l'équation première de cette hécatombe est celle-ci. Du haut de cette magnifique falaise, des milliers de gens se sont tués parce qu'ils ne voulaient pas être tués. Des milliers de gens se sont jetés dans la mort parce qu'ils avaient peur de la mort. Il y a là une logique du paradoxe qui me sidère. Il ne s'agit pas d'approuver ou de désapprouver un tel geste. Cela leur ferait une belle jambe, d'ailleurs, aux cadavres d'Okinawa. Mais je persiste à penser que la meilleure raison pour se suicider, c'est la peur de la mort. Alors ça c'est Amélie Nothomb. C'est brillant à un point. Alors c'est le fameux événement, là, pendant que la Deuxième Guerre mondiale, à la fin, quand les Américains envahissaient Okinawa, où les Japonais avaient tellement fait peur à la population, enfin les militaires, qu'il y a eu des suicides massifs du haut des falaises, les femmes se jetaient avec leurs enfants pour pas être... C'est pas qu'une question de... Pour les militaires, c'était ne pas mourir aux mains d'eux. Mais pour les Japonais, c'était plus une peur. Et donc, elle a raison en ce sens. Voilà. Donc voilà, il y a des moments brillants. Je suis très, très content d'avoir revu ces passages que j'avais sélectionnés. Parce que c'est vraiment de la Amélie Nothomb, quoi. C'est waouh. C'est bien écrit, et puis c'est simple, et c'est foudroyant. Voilà, c'est foudroyant. Avec Amélie Nothomb, c'est foudroyant. Voilà, c'est tout pour ce livre. Encore une fois, je redis le titre. Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes.